effort musical interminable. Ces fils de putain qui me font péter un câble. Pour ceux qui parlent trop, remballe ta parano. Parle pas sur moi, tu te fais baiser par un autre. C'est ma peine de mort de ceux qui n'ont pas de talent. Qui se vengent sur moi, mais jamais par devant. Tu dis que c'est de la merde, mais tu retiens mon blaze. Tu fais rien de ta vie et c'est moi qui te case. Peine de mort qui te casse, attentat en prose. Écoute fils de pute et parle-moi si tu oses. Parle pas de l'ami femme et critique juste mes textes. Parle pas, tu connais pas, regarde juste le contexte. Dis que c'est pété quand tu feras autant, hein. C'est juste pour expliquer que ça parle trop souvent. Tu viendras te la péter quand t'auras le niveau. Mais viens pas parler si t'as jamais testé le flow. J'ai eu les couilles de débuter, c'était pété quand d'autres à la fonce des se sont butés. Et t'es pété, j'ai eu les couilles de démontrer mes pros et mes phrases. De faire tourner le scud, de faire connaître le blaze. J'ai eu les couilles et toi dis-moi tu fais quoi. Tu parles sur moi et t'es pas foutu d'avoir un truc à toi. J'ai eu les couilles et je vais pas tarder à m'envoler. J'ai eu les couilles, tu diras qu'il n'était pas mauvais. Je suis parti de rien, ça fait 10 piges que je taffe. Rends pas l'MC, tu poses comme une tasse. J'attends que tu poses, attends-moi j'ose. Car c'est que tu causes, déballe ta prose. Viens tester TS ici dans mon église. Mon flow est une messe, mon dieu ne fait pas de bise. Viens tester TS ici, c'est la parole de Jah. De tous les dieux qui restent, Inch'Allah. Je ne veux pas faire pleurer les chaumières. Je ne veux pas faire péter les charnières. Je ne veux pas de la poésie charmeuse. Je ne veux pas que ma pro soit une chômeuse. Je veux que t'écoutes de la première à dernière note. Je veux des routes de Mardi à Bangkok. Je veux que tu taises et que t'imprègnes. Que c'est toujours celui qui écoute qui croit qu'il règne. J'ai eu les couilles de débuter, c'était pété quand d'autres à la fonce des se sont butés. Et t'es pété, j'ai eu les couilles de démontrer mes pros et mes phrases. De faire tourner le scud, de faire connaître le blaze. Mais t'étais où quand je galérais sur mes sons? Mais t'étais où quand je fumais trop de pilons? Mais t'étais où quand j'ai composé la première fois? Mais t'étais où il y a 10 ans de ça? Mais t'étais où quand j'ai pleuré sur mes proses? Mais t'étais où quand la vie n'était pas rose? J'ai écrit plus de 2000 textes et 400 sons, une dizaine de scud et d'infinis pilons. Mais t'étais où quand j'écrivais la nuit? Quand je psychotais le jour et décrivais la vie. Mais t'étais où quand je parlais à ma plume? Quand dans ma tête les mots devenaient la brume. Mais t'étais où quand je vivais musique? Quand on posait avec toute la clique. Mais t'étais où quand les deux frères sont partis? Quand j'étais seul face à mes écrits. Mais t'étais où quand le piano pleurait? Quand la pluie volait, les violons l'accompagnaient. Mais t'étais où pendant que je cherchais à m'appliquer? Tu t'es pas dit que c'était compliqué? Que c'était compliqué? Que c'était compliqué? Que c'était compliqué? Que c'était compliqué? Je reviens parfois sur système auditif, je me sens seul, je me sens secoué. Le système est un mirage. De gauche à droite et du centre à l'extrême. Je lui demande que justice soit faite. Moi et ma plume, on est paré pour le retour. Que le son semble nous satisfaire. 7-8-1-6-0. Je m'excuse pour toute la haine. Paroles virulentes, immatriculées, pères et mères. J'aurais déjà un gueule sur la tente. Un petit plan, plein de haine. C'est 19. Ok, c'est propagande légale.